ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Et recueillement sur la mise en onde, merci de rester branché sur les ondes de la radio Isanganiro. Bienvenue à Sous-Journal, dont voici d'abord le sommaire. Il s'observe de nouveau une pénurie du carburant de type essence dans Bujumbura, la capitale économique. Certains pompistes qui se sont entretenus avec nos reporters indiquent que cette pénurie vient de durer 5 jours. Vous aurez les détails dans ce journal. L'espace de loisirs appelé Safe Beach fait objet de conflits entre les responsables du port de Bujumbura et son propriétaire privé. Notre confrère Christian Xavier a été sur les lieux ce mardi lors de la descente du maire de la ville de Bujumbura. Il nous fera le point. La Confédération des syndicats au Burundi, CSB, trouve que les irrégularités dans les cotations des employés de certaines institutions à statut spéciaux ne devraient pas être reprochées à ces derniers, mais aux responsables. Le président du CSB trouve cependant que les institutions qui sont régulières soient rétablies dans leurs droits. Il est recommandé aux jeunes femmes de faire la palpation des seins une fois le mois pour détecter une tumeur. Vous l'entendrez dans la chronique santé sur le cancer de sein. Troisième partie, bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La pénurie du carburant de type essence s'observait dans la ville de Bujumbura. Certains pompistes qui se sont entretenus avec nos reporters affirmaient que cette situation s'observait depuis 5 jours. Les conducteurs des véhicules, quant à eux, font savoir qu'ils ne parviennent pas à subvenir convenablement aux besoins de leur famille suite à cette pénurie. Ils demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème qui persiste. Les détails dans ce reportage de Jean-Marie Vianeng Ndakoumane. Dans les différentes stations se trouvant dans la ville de Bujumbura, s'observe la pénurie du carburant du type essence. Une période de 5 jours vient de s'écouler selon les informations fournies par certains pompistes. Sur le boulevard Moïse Gisabo, sur la station Interpétrole, se trouvant près de l'hôpital militaire de Kamenge, distribuer l'essence où l'on constatait de longues files d'attente. Depuis la gare du Nord jusqu'au Lompwe, dénommée Iwawabanu, aucune station ne disposait d'essence. L'un des conducteurs de transport en commun indique qu'il travaille à perte suite à cette situation. Et ces derniers temps, il s'observe la pénurie du carburant. Pour ces derniers temps, nous qui sommes des conducteurs de taxis-voitures, donc il y a beaucoup de problèmes entre nous et les propriétaires de voitures. Les conséquences sont très énormes. Quand on dit qu'elles sont très énormes, ils sont observe aussi les documents qui s'achèvent, par exemple l'assurance et ainsi que d'autres documents. Et quand ils sont en train de dépuiser, c'est-à-dire que même les patrons ont beaucoup de problèmes par rapport de nous qui conduisent leurs voitures. Il ajoute qu'avec cette pénurie d'essence, certains ménages ne parviennent pas à subvenir leurs besoins parce qu'ils vivent des métiers et qui exigent le carburant. Au niveau de la société, il y a la famine qui s'observe dans de nos familles. Et par exemple, quand tu vas passer toute la journée aux stations et tu passes toute la journée sans trouver le carburant et tu rentres à la maison comme ça, c'est-à-dire que nos familles doivent avoir beaucoup de problèmes. Donc il y a le manque de nourriture, il y a le manque de beaucoup de choses dans nos foyers. Il demande au gouvernement de trouver solution à ce problème. Nous demandons à notre cher gouvernement qu'il puisse faire tout le moins possible, voir comment est-ce que le carburant peut venir. Par exemple, il y a beaucoup de jours, on avait le carburant ci et là, mais pour le moment vraiment, il n'y en a pas. Alors, nous demandons à ce qu'ils fassent beaucoup de force pour voir comment est-ce que le carburant puisse être venu à toutes les stations qui sont ici à Bujumbura. Malgré cela, toutes les stations visitées disposaient de carburant de type mazoutou en quantité suffisante. Jean-Marie Vianney Ngendakouman, le port de Bujumbura est en conflit foncier avec le propriétaire d'un espace de loisirs appelé Saf Beach. Les responsables du port disent vouloir faire une extension dans un espace de Saf Beach, lequel espace le propriétaire privé en a un contrat qui le lie avec la mairie de Bujumbura. Après une visite du maire de la ville et certains députés ce mardi, un accord a été dégagé à la satisfaction des deux parties en conflit. Les détails avec Christian Savier qui s'est rendu sur les lieux. Un conflit ouvert opposant le port international de Bujumbura et Saf Beach, un lieu de loisirs situé sur les rives du lac Tanganyika, perdure depuis quelques temps. Il s'agit d'une délimitation de terrain. Une délégation composée du maire de la ville de Bujumbura et de certains députés a organisé une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation et tenter une médiation. La visite a porté ses fruits, comme l'indique l'autorité maritime et portuaire, Jean-Baptiste Birengende. Moi, je suis personnellement satisfait puisqu'il y avait aussi des honorables qui étaient ici pour nous conseiller. Pour protéger le port au grand maximum, il y a une institution, l'OBR, qui doit être protégée absolument. Pour regarder devant, il ne faut pas regarder tout près de vous. Et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de préparer ici sur le port. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, est satisfait de la visite, une occasion de prodiguer des conseils. Saf Beach qui dit, voilà, moi j'ai reçu un contrat signé par les autorités municipales. Nous avons prodigué quelques conseils pratiques que le port de Bujumbura, comme vous voulez, faire une extension, c'est vrai, vous devez contacter le ministère de tutelle pour avoir une autorisation et en fin de compte, ce ministère dira à la mairie de Bujumbura de quitter ou de dégager les choses qui sont en train d'être faites dans cet espace. Mais sinon, l'espace légalement acquis, il est bien exploité et au profit de la population municipale. Et surtout que c'est un espace qui est légèrement moins cher par rapport aux autres beaches. Saf Beach est un espace populaire qui accueille et anime chaque week-end des mariages, divertisse aussi les enfants et organise certains spectacles pour des artistes. Merci à Christian Savier pour tous ces détails. La Confédération des syndicats au Burundi, CSB, trouve que les irrégularités dans les cotisations des employés de certaines institutions à statut spéciaux ne devraient pas être reprochées à ces derniers, mais aux employeurs. C'est après que le ministère de la fonction publique ait indiqué que le dégel des annales ne sera pas possible avec ce mois d'octobre. Gilbert Nyawaki, la présidente de la CSB, SB demande que les institutions qui sont régulières soient rétablies dans leurs droits suivants. Les cotations pour les fonctionnaires, je pense que ça s'est connu depuis que les cadres et agents de droits d'administration personnalisés de l'État ou les établissements publics à statut spéciaux ont existé. Si alors il y a une organisation ou une administration qui se serait trompée au niveau des calculs, c'est une ou deux, je pense que ça ne doit pas être généralisé. C'est pour vous dire donc que les erreurs qui ont été commises par une de ces organisations, une de ces administrations, ne doivent pas affecter toutes les autres qui sont réguliers avec le calcul des années et l'avancement affectif des fonctionnaires, donc le cadre et agent de ces administrations. Je crois donc que oui pour une administration, non pour toutes les administrations. C'est pour dire qu'à la fin du mois d'octobre, ces établissements et ces administrations ne devraient pas être sanctionnés toutes. Seules les administrations d'établissements qui n'ont pas fait les bons calculs doivent être concernés. Et là aussi, nous nous disons que ce ne sont pas les travailleurs qui devraient, les cadres agents de ces établissements ou ces administrations qui devraient être sanctionnés. C'est plutôt les responsables qui sont auteurs de ces erreurs. Qui, si vous voulez, je peux croire que même ça a été expressément fait pour tarder encore une fois la légalisation des rémunérations de ces cadres agents de ces administrations, de ces établissements publics à caractère administratif. Voilà, l'urgence devrait être là. Que pour ces administrations, ces établissements, dont les qualités ont été correctes, que le travailleur soit restitué dans les droits à la fin du mois d'octobre. Et pour cela, que le responsable, auteur de ces erreurs et fautes, soit sanctionné. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page santé à présent, la troisième phase de la campagne vaccinale de la poliomyélite va débuter ce 26 jusqu'au 30 octobre 2023. pour les enfants de 0 à 7 ans et cela dans toutes les 49 districts sanitaires du pays. Annonce faite dans un atelier média qui a été organisé par le directeur du programme élargi de vaccination ce mardi, au moment où il affirme que pour la deuxième phase, ils ont vacciné plus de 3 millions d'enfants. Il appelle les parents à faire vacciner leurs enfants pour qu'ils soient immunisés face à cette maladie. Suivez-le. Les enfants concernés, ce sont les enfants de 0 à 7 ans. Et cette campagne débute à partir du 26 au 30 octobre de cette année de 2023. Et la stratégie reste la même. Nous allons vacciner de porte à porte. Les vaccinateurs vont passer de maison à maison, mais aussi ils vont passer dans les écoles. Ici, j'interpelle les directeurs d'école pour qu'ils puissent faciliter ces vaccinateurs. Puisqu'on a vu dans le passé certains directeurs qui ont à un moment hésité. Et aussi, ils vont passer au niveau des églises, des mosquées, au niveau des marchés, partout où les gens peuvent se regrouper pour vacciner tous les enfants et ne laisser aucun enfant derrière. Propos recueillis par Sheila Irambona, page justice à présent. 5 ans de prison ainsi que la saisie d'un véhicule de marque Toyota Premium. C'est l'une des condamnations du tribunal de grande instance d'Ngozi à l'endroit d'un homme arrêté avec du petit poids dans son véhicule vers le Rwanda pour le vendre frauduleusement. Le même tribunal a condamné un homme ce mardi à 3 ans de prison. Il a été surpris avec de l'essence chez lui à la maison. Les deux ont été accusés d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et d'État avec Apolline Mouzagat. Le premier qui a été arrêté par la police répond au nom de Karenzo Leonidas. C'était le soir de ce 19 octobre à la frontière burundo-rwandaise. Kanyaruho, à bord de son véhicule Toyota Premium, se trouvait plus de 500 kg de petits poids à destination du pays voisin du Nord, le Rwanda. Le même jour, un autre homme, Wingabi Egabi, de la commune Tangara en province Ngozi, a été surpris avec plus de 10 litres d'essence dans sa maison. Le premier va écoper d'une peine carcérale de 5 ans, son véhicule et une somme d'argent de 548 250 000 francs bou, issus de la vente de ce petit poids mis au trésor public. Il a été condamné sur l'infraction d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale. Sur la même infraction, le second a été condamné à 3 ans de prison car il n'a pas nié les accusations. Son carburant sera également vendu afin de verser l'argent au trésor public dans un délai ne dépassant pas un mois. La même instance a condamné 5 personnes pour la même infraction. Des véhicules utilisés dans la fraude ont été saisis et mis au trésor public. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Polinaire Muzangara d'Ngozi Cap sur le nom de la capitale économique Bujumbura, où les habitants du quartier urbain de Nyabagere en commune Nangwa crient pour la canalisation des eaux des ruisseaux Tchari et Nyakabugu. Ils déplorent qu'en pleine pluie, ces rivières débordent et les eaux coulent dans toutes les avenues de ce quartier, occasionnant d'énormes dégâts. Le chef de quartier regrette que la pluie crée une peur panique au sein de sa population, n'est-ce pas, Placide Niemongeti? Dans ce quartier, à l'exception de l'avenue dite Kumatafari, les autres ne font pas signe de caniveau et sont pleines de restes de sacs garnis de boue ou de pierre. Cela, selon les habitants, consiste soit à boucher les trous ou limiter le débit des eaux qui coulent à l'intérieur de ce quartier Nyabagere. Les habitants regrettent que leur avenues sont devenues des lits de ces ruisseaux. Suite au manque de caniveaux sur nos avenues auxquelles s'ajoutent des aménagements non réglementés, cela fait que ces eaux ne coulent pas normalement. Ces débordements ont déjà fait d'énormes dégâts matériels et placent les habitants dans l'incertitude, explique-t-il. Dans ce quartier en aval, des maisons ont été emportées par le courant de saison. L'an passé, Charlie a fait même des morts. Pour le moment, on s'attend à d'autres tragédies. Que le gouvernement nous protège par l'aménagement des lits de ces ruisseaux avant le pire. Même son de cloche des administratifs à la base. Didas Nibizi, chef du quartier Nyabagere, dresse le bilan qui fait tant de certaines familles qui déménagent suite à ces eaux ici des ruisseaux Chari et Nyakabougou. Cet administratif à la base trouve la réponse dans l'aménagement des lits de ces deux pseudo-rivières pour limiter les dégâts matériels qui s'amplifient à chaque tombée de la pluie. Environ 60 maisons ont été inondées avec une profondeur variant entre 1,5 et 2 mètres. Nous rendons grâce à Dieu que cette situation s'est produite au cours de la journée. Sinon, la situation risquerait d'être plus grave, ce qui apaiserait nos esprits et l'aménagement des lits des rivières Chari et Nyakabougou, car les familles commencent à quitter le quartier pour s'installer ailleurs. S'il pleut, la population est en pleine panique. Face à cette situation, Nibizi Didas, chef du quartier Nyabagere, justifie que des correspondances ont été adressées à différentes institutions, dont le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux, mais qu'ils attendent la réponse des réactions. Radio Isanganiro, chronique santé. Il est recommandé aux jeunes femmes de faire la palpation des seins une fois le mois pour détecter une tumeur. Le médecin Tania Gahama Ineza ajoute que cet auto-examen doit se faire 3 ou 4 jours après les règles et les femmes âgées de 50 ans plus et plus peuvent faire la mammographie. Ce médecin affirme qu'il est possible de guérir le cancer de sein une fois découvert à temps. Les détails dans cette chronique avec Ornella Mucho. Lors de nos précédentes chroniques santé, le médecin Tania Gahama-Ineza avait cité 12 différents signes du cancer du sein, notamment une modification de la taille, de la forme, de l'aspect de la peau du sein et des ganglions gonflés et durs. Il est alors recommandé de réaliser l'auto-examen toujours à la même période après les règles afin que la comparaison soit pertinente. Pour essayer de découvrir le cancer du sein le plus tôt possible, on encourage les femmes de faire l'auto-examen régulièrement. Il est recommandé que chaque femme fasse son auto-examen une fois le mois, 3 à 4 jours après les règles. Pourquoi 3 à 4 jours après les règles? C'est parce que quand une femme est dans l'ovulation ou bien quelques jours après les règles, quand elle a un syndrome prémenstruel, les seins peuvent être très sensibles. Mais 3 à 4 jours après l'ovulation, les seins sont souples et ça permet de faire un bon auto-examen. Mais pour les personnes qui n'ont pas de règles, on recommande par exemple les hommes, celles qui sont en ménopause, ou bien si pour une raison ou pour une autre tu ne vois pas les règles, tu prends une date que tu ne vas jamais oublier, soit le premier du mois, soit ta date d'anniversaire, ou bien une autre date que tu ne vas jamais oublier. Chaque mois, tu fais l'auto-examen. À part l'autopalpation des seins recommandée chez les jeunes femmes, la mammographie fait partie aussi des principaux examens de prévention, surtout chez les femmes âgées de 50 ans et plus. Pour faire son auto-examen, on va dans une chambre toute seule. On peut s'allonger sur le lit et permettre que les seins s'affaississent. La deuxième position, c'est se courber vers l'avant et laisser les seins dégager. La troisième position, c'est être devant un miroir ou bien se regarder pour bien regarder ses seins. On utilise les trois doigts de la main et en faisant des mouvements circulaires, on examine les selles et on examine tout le sein et on n'oublie pas le mamelon. Il y a un deuxième examen qu'on peut faire pour détecter le cancer du sein très tôt, c'est la mammographie. La mammographie, c'est une radio du sein. On prend une photo du sein et ça peut montrer à l'intérieur qu'il y a un cancer qui se développe. Mais la mammographie est recommandée à partir de 50 ans parce que pour les femmes jeunes, les seins sont très denses. Et quand les seins sont très denses, la mammographie, elle devient opaque. Quand on dit opaque, ça veut dire que c'est une image qui est blanche. On ne peut pas bien détecter une tumeur. Donc c'est pourquoi elle est recommandée à 50 ans ou bien à 40 ans pour les femmes qui ont des facteurs de risque élevés. Le traitement est choisi en fonction du type de cancer du sein et peut être curable s'il est découvert à temps. Oui, le cancer du sein peut guérir à condition qu'elle soit détectée le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est pourquoi on en parle souvent, pour qu'on permette qu'elle soit détectée au stade 1, au stade 2, à un stade en tout cas le plus précocement possible. Mais aussi, même dire que même si ça ne guérit pas, il faut essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le cancer du sein. Par exemple, si on arrive à le détecter tôt, on voit qu'on ne peut pas guérir, mais quand même que c'est relativement tôt, on peut augmenter l'espérance de vie des femmes après le diagnostic. Peut-être permettre aux femmes de vivre longtemps et de traiter avec des médicaments qui ne sont pas trop lourds et permettre à la femme qu'elle puisse vivre longtemps même si elle a le cancer du sein. Selon les spécialistes, le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes dans le monde. Toutefois, le traitement du cancer du sein a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rikwimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikumanyanga. Les émissions continuent sur les ondes de la radio Isanganiro.